Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion. Pas de problème, ici Frédéric Barbouchi en compagnie de Martin Boily. Salut Frédéric. Salut Martin. Simon Rousseau. Salut Frédéric. Salut Martin. Salut Martin. Salut Raymond. Et Mathieu Bouillon. Mais là, ça je pense pas que les gens vont le pogner vraiment parce que ouais. T'avais vraiment la face de Jean-Pierre Ferland. Ouais, c'était un gag de face. Ça. Ouais, mais c'était plus comme Édith Piaf, j'essaie de faire. Ah ouais? Rien de rien. Mais genre. Mais c'était pas bien bon. Ouais, ça aurait eu plus de puissance. Tu sais, la semaine passée, on disait de mettre bout à bout tes. Ouais. Tes répliques ouais. En début de show. Mm-hmm. On pourrait mettre bout à bout mes réactions. Oui, hein, qui seraient toutes comme « Non, ça marche pas. Ouais. » Ah, Mathieu. Oui, chou. Pur caca. Alors, pas de problème, c'est quoi? Hein? C'est la balado-diffusion la plus populaire dans ton cercle d'amis. Yeah! Ça faisait longtemps, ça. Quatre experts en rien s'improvisent experts en tout. Le temps de trouver des solutions à votre problème et parfois vous écorcher au passage. Oh! Mais pas le bar. Bref. Au passage. Ouais. Non, mais non, mais des fois, il y en a qui nous proposent des problèmes et qui. Qui en mangent d'en face, là. Oui. Comme quand on a dit à Marie-Pierre Nommé de pas crisser de la marde de chat dans le barbecue de son voisin, là. C'est un vrai problème qu'on a reçu. On l'a écorché. On a dit c'est un peu elle le problème. Ouais. Mais d'ailleurs. Non, c'était pas elle, c'était d'avoir fait ça. Ouais. D'avoir mis de... Mais oui. Okay. Oui. Mais de je suis son fil Facebook à l'occasion. Oui. Des fois, je vois ses statuts et beaucoup de statuts à propos de son voisin. Ah oui? C'est encore un problème, donc. C'est jamais... On l'a pas aidé du tout. Non, ben en fait, je sais pas au niveau du... Non, effectivement. Je pense que la guerre de voisins est peut-être terminée, mais elle méprise encore beaucoup. Ah ouais. Ouais. Ouais. Bon, on lui souhaite bonne chance, puis on la remercie quand même de nous avoir proposé un problème. Tout à fait. Oui. Et on espère qu'elle va nous en proposer d'autres parce qu'on a eu beaucoup de plaisir à l'aborder. Oui, c'est un des bons, ça. Et j'espère oui. qu'on va avoir beaucoup de plaisir à aborder le problème suivant qui nous vient de Patrick Nadeau. Oui, qui nous vient de Patrick Nadeau. Un bon fournisseur. Un habitué, hein? Oui, un bon habitué. Il qui va comme suit. Comment contrer le vol de vélo à Montréal? Hey, ça, c'est épineux. Hein? Ça, c'est très épineux. Ouais. Oui. Fait que lui, il veut trier le vol. Comment contrer le vol? Comment contrer? Oh! Comment qu'on le trait, comme on trait une vache? Comment contrer le vol de vélo? Ouais. Avec une trailleuse. Non, mais c'est quand même un bon sujet de problème parce que tout le monde, tout Montréalais a dans son entourage... Quelqu'un qui s'est fait voler son vélo. Oui. Combien de vélos vous êtes fait voler? Deux. Un. Aucun. Moi, as-tu déjà eu un vélo? Non. Voilà. Oh. Voilà. Mais peut-être trois ou... Au moins trois. Au moins trois. Anecdote, tranche de vie. Ouais. Cet été, à la fin de l'été, moi j'ai un vélo avec un banc de bébé en arrière et il est vraiment attaché devant chez nous. Avec très un... prisé, ça. Ouais. Oui, mais non, mais il est attaché comme il faut. Là, t'sais, la roue d'en avant, le cadre. Puis, t'sais. Je me suis fait voler mon guidon. Tabarnak. Ah oui. Et j'étais fâché. Là. Puis après, j'ai fait, mon Dieu, c'est ce gars. Tu pouvais-tu t'en servir quand même? Fallait qu'il tourne avec ses genoux. j'ai pas de guidon. Il a volé mon guidon. Puis c'est pas facile à voler. C'est un bon là. Guidon que t'avais? Ben, c'est un guidon de chouine, là. C'était un chouine. Ah, les chouines, ça, c'est des bons guidons. Ça se revend vite, ça, au fond shop. Non, mais tu sais, tu fais... Ouais. Dans quel monde tu vis, bonhomme, de voler le guidon d'un vélo? Puis en plus, avec un banc de bébé, il y a comme quelque chose de... Ben, peut-être hey, que va pas là. C'est le gars qui s'était fait voler son guidon par un autre d'avant, qui s'est fait déjà voler le guidon. Hey, non, mais regarde, non. Moi, c'est une guidoune à guidon. Ouais, ça devait être une guidoune à guidon. Il n'y a pas de chaîne. C'est quelqu'un qui est sur une drogue expérimentale. Le crocodile, peut-être? Oui, qui fait « Hey, je mangerais bien un guidon. » Puis c'est ça. En tout cas, bref. Parce qu'il y a pas, au moins, il n'a pas volé le banc de bébé. Ah oui, ça aurait été plus atroce. Ça aurait vraiment été... Il n'avait pas volé le bébé. Ça aurait été malfaisant. Ça aurait été méchant. Ouais. Mais tu sais, bonne nouvelle, oui, les vols de vélo sont en hausse, mais les vols de voileau, eux, c'est pas si pire. C'est pas encore commencé, je pense. Les vols de voileau. Personne vole un voileau. Ouais. Qui vole un voileuf? Ah non, c'est pour ça. Non, ça se dit pas. Messieurs, j'ai des chiffres pour vous. Oh! 3! Wow! 9. Un cycliste montréalais sur 2 a été victime au moins une fois dans sa vie d'un vol de vélo. C'est ce que j'avais entendu. C'est énorme quand même. C'est énorme. 20% des cyclistes ont été volés 3 fois et plus. Tabarnache. Ben gars, je suis là-dedans, moi, complètement. C'est énorme que 20% des cyclistes montréalais ont été volés 3 fois et c'est plus. C'est fou. As-tu notre rang mondial? Non, j'ai pas notre rang mondial, mais je pense malheureusement. Qu'on est assez élevé. Ah, là. Oui, oui, c'est comme surprenant. Là. Mais il faudrait juste savoir, connaître le ratio des cyclistes qui ont acheté un vélo d'un gars qui fait « Hey man, tu veux-tu un vélo? » 30$ là. C'était. Mais j'ai entendu. Ça, ouais, moi, des fois, j'avais quasiment envie de dire check, m'a donné 35$ là. Va le reporter au gars à qui tu l'as volé. Mais j'ai entendu récemment, là, puis j'ai pas de données là-dessus. J'ai cherché, mais j'ai pas ils trouvé. Ils sont shippés. Oui, comme quoi, ouais, il y avait un gros réseau. Ouais. Et ils volent et ils shippent. Genre Toronto, Bing. Ouais. Puis, et vice-versa, là. C'est les vélos volés ici s'en vont ailleurs. Ouais. Et. Il y avait... Moi, je suis allé. Indonésie, gros marché. Mais quand je me suis fait voler. Oui, j'ai entendu parler de ça. Quand je me suis fait voler le guidon, j'étais allé voir un magasin de bicycle, puis j'ai dit. T'sais... Qu'est-ce qui se passe? Hein? Non, mais j'ai fait. Où est mon guidon? Je peux-tu acheter un guidon? T'sais? Puis là, il m'expliquait que justement, il y avait des gros vols et du trafic. Là, t'sais, ça s'envoie dans un container, je pense. Puis bonsoir. C'est croche en esti. Mais il n'y a pas une ville dans le monde, je pense au Japon, plus au Japon, les gens déposent leur vélo, l'attachent pas. Ouais. Et ils ne le font pas voler. Font pas voler. Mais sinon, tu as Copenhague, où il y a plus de vélos que de personnes. Bon, fait que tu ne l'attaches pas, mais tu prends n'importe quel vélo anyway. Ouais. Ben, il y a comme des cheap, mais quand t'en as un bon, parce qu'il y en a qui aiment leur vélo. Mais c'est vraiment une ville de vélo. Puis moi, je pense que c'est une piste de réflexion. Ça, c'est refaire la culture du vélo à Montréal. Mm. Tu sais, là, on a une piste cyclable. Oui, c'est pas pire, mais elle est pas top, là. Ouais. Il essaie quand même de l'améliorer. Oui, il essaie, mais tu sais, c'est comme... On dirait que c'est pas... Ouais. Bravo pour l'effort, là, mais c'est pas là. Faut dire que les Bixi ont vraiment changé notre. T'sais, moi, j'ai plus envie de m'acheter de vélo. J'ai ma carte de Bixi. Pis... Que Bixi va survivre? Il est pareil qu'une autre année, en tout cas. Là, le problème de Bixi, c'est vraiment l'endroit où tu peux te rendre en vélo. T'sais, tu peux pas. Faire une longue ride de vélo pour finalement le laisser quelque part. Tu sais, faut vraiment... Je pense que Simon est allé très, très loin, non? Ben quand même. Mais moi, sur l'île, tant que tu restes sur l'île, puis je sais que je pense que tu peux aller à Longueuil ou des... Mais quand même, Longueuil, je trouve que pas mal partout à Montréal, c'est vraiment pas pire. Mais tu trouves souvent des bornes complètes, là, tu virailles pour te parquer. Un des problèmes, c'est que la majorité des gens, effectivement, les prennent pour aller au centre-ville et ne les reprennent pas pour remonter. Ouais, en effet. Les gens veulent pas monter, veulent descendre la côte, veulent pas la remonter. Ouais, c'est ça. Moi, le premier, Mais c'est aussi Mais peut-être. Moi, j'avais une autre piste de réflexion, c'était pimper le Bixi. Ouais. Tu sais, c'est. Mais en même temps, j'en ai vu des vélos. Là. Tu sais, à Milan, j'ai vu les vélos à. Les Vélov', puis les. En tout cas, dans plein de villes. Puis le Bixi est quand même. Ben, il est favorablement comparable. Moi, je l'ai pris à Londres, mettons, les Barclays. C'est sensiblement un Bixi. Mais je veux dire, les Bixi, sont... il y a quelque chose de stylisé, puis... mais l'affaire, c'est qu'ils sont vraiment lourds, mais je comprends qu'ils veulent pas Barclays, se faire voler lourd, les Bixi. Ouais. Ben, c'est ça, ils font bien de mettre ça lourd. Hein. Mais sinon, pour contrer le vol, moi, je dirais l'attacher. Mais est-ce qu'il, la question, est-ce qu'il veut contrer le vol at large ou est-ce qu'il veut ne pas se faire voler son vélo. Mais moi, je pense que la majorité des vélos, peut-être pas la majorité, puis j'ai aucune stat, là, tu sais, je dis n'importe quoi, mais c'est quand même une espèce d'impression. Je pense que plusieurs vélos qui se font voler qui étaient barrés, attachés. Bien sûr. En fait, je pense que beaucoup de gens qui se font voler leur cadenas, qui se font voler leur vélo, c'est parce qu'il est mal barré ou mal attaché ou attaché avec un cadenas de piètre qualité. C'est souvent un des gros problèmes. Le cadenas en U, oui. Par contre, qu'on connaît tous, là, on dit que 66 % des vélos sont protégés par cadenas en U. Oui. Mais il compte seulement pour 6,8 % des vols. Donc, il va bien. Oui, donc c'est très bon. 66 personnes des gens, ça représente 6,8 % des vols. Fait que si c'est un cadenas en U, en partant, ça va très bien. T'as de très bonnes chances de ne pas te faire voler. Et à l'inverse, les vélos qui sont laissés sans protection, on s'entend que c'est moins de 1% des cyclistes qui laissent leur vélo sans protection, mais ça représente quand même 8,5% des vols. OK. C'est facile. Les probabilités sont pour toi si tu le barres. Exact. Les probabilités sont pour toi si tu le barres avec un cadenas en U. Et si tu laisses pas de cadenas, là, t'es vraiment, les probabilités sont... Sur WikiHow, ils disent « 7 steps how to stop your bike from being stolen ». Donc, genre « get a good lock », justement, « URD lock ». Ensuite, le barrer à un endroit visible, là, t'as pas quelqu'un avec sa scie à métal là, qui... pas le barrer... dans une ruelle où c'est personne ça. Va le voir, le gars qui est dans en dessous d'un balcon. Mais même sous à ça, on dit beaucoup de ne pas compter sur son prochain pour intervenir lors d'un vol de vélo. Mais ça d'ailleurs, ça c'était mon point. Et ça, je suis vraiment très déçu parce que j'ai un ami qui s'est fait voler un vélo justement l'été dernier. Et il y a quand même eu intervention d'un tiers parti qui a dit « Je les ai vus, sont partis par là-bas. » Fait que c'est quand même pas pire. Il les a pas arrêtés, mais il les a vus puis il l'a dit à mon ami. Et les voleurs étaient eux-mêmes à vélo. C'était deux gars à vélo qui volent un troisième vélo en le tenant à deux. Tabarnak. Et en pédalant côte à côte. Ouais. Donc, il les a vus, mais il allait quand même vite. Puis il y avait des masques de président. Il y avait des masques aux États-Unis. Oui, c'est de président français. c'est une légère nuance. Je pense que ça n'a aucun lien. Mais il a couru après eux quand même. Et il a presque réussi à les rattraper. Mais quand les gens l'ont vu qu'ils étaient poursuivis, ils ont accéléré. Et ils sont passés devant un groupe de 8 personnes qui étaient en train de faire un déménagement sur le bord de la rue. Et il leur a hurlé, il vole mon vélo, arrêtez-le, ce qui est quand même crédible quand tu vois deux gars en vélo qui ont un troisième vélo, tu peux penser que la personne qui crie ça a raison. Et ils ont passé à travers le groupe, c'est quand même relativement de monde, et personne n'est intervenu, tout le monde a regardé ça passer. Ah. Fait que, je peux comprendre quand même qu'on peut être un peu saisi par la situation, mais je pense que dans un cas comme ça, intervenir, surtout quand on a l'impression que notre vie est probablement pas en danger, ça pourrait être pas pire. Mais de l'attacher dans un endroit plutôt public, mettons... Ça change rien. Non, mais en fait, c'est parce que ça te prend plus de guts pour y aller le voler. Il n'y a pas plus de monde qui va t'arrêter, mais toi, Martin, le voleur... Ouais, moi, le voleur. Ça te prend un petit peu plus de fait que les voleurs qui ont froid aux yeux vont pas te voler. Mais c'est pas les autres qui vont t'arrêter. Non. Il y avait eu un reportage dans la presse, justement, sur le vol de vélo. Et c'est un journaliste qui attachait son vélo et qui revenait s'auto-voler son vélo devant des témoins. Il s'arrangeait pour que quelqu'un le voie faire. Et je pense que sur 20 vols, il y a une fois quelqu'un qui est intervenu en disant « Hey, c'est pas ton vélo, ça. » Ben oui, c'est ça, c'est dur à... Et lui, sinon, le monde le regardait faire, puis il partait comme de rien. Il dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est comme facile. De fait, ça commence un peu par ça. Ça commence un peu par conscience. Si tout le monde intervenait quand il y avait un vol de vélo, là, les voleurs seraient pas mal plus frileux. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment une question de négligence de la population. Ouais. Hein. Un bout, il y avait une... j'ai vu sur YouTube là, quelques clips de « J'ai arrêté mon voleur de vélo » ou genre « J'ai arrêté un voleur de vélo ». Il y en avait quelques-uns que j'ai vus, puis je me disais « Ah, si ça, ça devenait vraiment une mouvance, là, tu sais, comme les gens s'y mettent de plus en plus à arrêter, puis tu sais... » Puis Chris, c'était un peu héroïque, là, c'était un peu des poursuites en cellulaire, là, puis tu sais, bravo, là, j'en ai écouté quelques-uns, puis je trouvais ça hot, là, tu sais. « Toi, mon Chris, tu vas me le... » Ça joue dur, mais Chris, je pense pas que c'est ce type de voleur de vélo. Je m'excuse. Hein, voyons non, c'est ton langage. Ordurier. Non, mais tu sais. Surveille ton langage. C'est pas des gars qui ont des guns, là, ou genre qui ont des seringues avec le sida, là. On s'entend, là. Tu risques pas. Quelqu'un l'a pas sorti, c'est non. Il m'a donné sida. Mais à côté de la garderie de mon gars, il y a eu attaque à la seringue. Oh mon Dieu. Dans le pharmaprix. Oui, oui, j'en ai entendu parler. Oui, hein. Mais moi, c'est sûr que ça marche. Sinon, on a. Moi, j'ai lu un des chiffres aussi qui m'ont étonné tantôt. On a tendance à penser que les vélos qui valent plus cher se font voler. Mm-hmm. Mais non, c'est l'inverse. Les vélos de 500 $ et moins comptent pour 60 % des vélos at large. Mais ils sont l'objet de 76 % des vols. Hmm. Puis donc, les vélos de 50 $ et moins. Les vélos de 50 $ et moins aussi, j'imagine, doivent rentrer là-dedans. Et les vélos de plus de 1000 $ ça, qui représentent environ 20 % des vélos à Montréal, eux représentent 1,5 % des vols. Ils sont peut-être burinés. Hmm. Ben, ils sont burinés, mais ils sont aussi... mieux protégé. Très protégé. Et tu sais, quand tu as un vélo que tu payes très cher, ben tu t'arranges pour pas te le faire voler. Donc, tu le barres bien, tu en fais attention. Je pense que ça fait partie de ça aussi. Là. Avec la technologie prendre d'aujourd'hui, soin de là, son vélo. Les fabricants pourraient mettre, je sais pas moi... Des GPS, il ben, y en a maintenant, des GPS ouais, que tu peux mettre dans ton vélo. Et on pense aussi que probablement que les vélos qui valent cher sont plus difficiles à revendre. Oui, sûrement. Ouais. Et à cadenas équivalent... Mais sont toutes défaites, non? À cadenas équivalent, le vélo le plus cheap va se faire voler en premier. Ah oui? Okay. Ouais. C'est les deux, un vélo de 500 $ là, et un vélo de 1000 $ et plus, sont un à côté de l'autre, même cadenas, les gens vont prendre le moins cher. Les voleurs vont prendre le moins cher. Des racks en hauteur. Hein? Ouais. Tu mets ton vélo, puis tu le hisses comme un drapeau. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose de... Je sais pas si... C'est plus fou. Apparent de le voler, en tout cas. Oui, mais peut-être que t'as juste l'air de du gars qui va chercher son vélo, mais t'es en train de le voler. C'est ça, hein? Il y a beaucoup de techniques du magicien, là, tu sais. Ouais. Ouais, je suis... Non, je suis le gars qui... C'est vraiment c'est moi, vélo, ce vélo-là. Ouais, exact. Ouh, regardez ici. C'est sûr que y a des choses qui peuvent te trahir, par exemple. Ouais. Il y a des années, parfois même des journées. Des journées. Qui finissent par te traiter. Les mâchoires de la vie. On nommait des gros cutters. Ouais. Un gros cutter. Quoique ça m'est arrivé de couper des affaires avec des gros cutters, mais ça, c'est moi qui ai vraiment des problèmes avec mes cadenas en général dans la vie. Mmh. Ouais. Ouais, puis c'est ça, les gens font. Tu sais, que... ça, c'est le pire. Hein. Tu sais, mon cadenas, j'ai plus de numéro, je sais pas trop quoi. Ou... faut que tu coupes ton propre cadenas. Mmh. Et là, t'as juste la chaîne que quelqu'un vient de prendre. Ouais. Hey, c'est pas ton vélo, ça? Ben oui, c'est mon vélo. Ah, excuse-moi. Fait que c'est peut-être ça qu'ils font, les voleurs. C'est hein? Sûr, ça doit arriver. C'est niaiseux, j'ai oublié ma combinaison. Ah, c'est ça. Ben fort, là. Ouais. À tout le monde qui passe. Hey, c'est niaiseux. Mais solution possible, les entreprises, je sais pas moi, tu sais, sur Mont-Royal, par exemple. Ou des rues de commerce où on va se rendre en vélo, ben les commerces mettent un rack devant leur commerce ou reliés à leur commerce et ils se portent garant de ton vélo. Je sais pas. Oui, c'est intéressant. Ils le font pas avec les voitures. Non. Même quand c'est des stationnements privés, alors ça serait... Non, mais je sais pas comment, mais tu sais, est-ce qu'on irait plus chez, je sais pas moi... Vanout versus Starbucks. Oui, exactement. Pour? Pour un service de garde de ton vélo. Un c'est peu, ça. Mais je sais que le Edgar Café, t'as le droit de rentrer avec ton vélo. Oui, mais il y a certains endroits. Moi, j'ai eu pendant à peu près trois semaines un bon vélo à Montréal. Je me suis pas fait voler, je l'ai envoyé chez mes parents parce que je trouvais ça trop de trouble. Je l'ai envoyé à Toronto, j'étais direct. Direct, je trouvais ça trop de trouble. Mes parents, trois semaines, un mois, je l'ai rentré dans tous les restaurants et bars où j'allais, puis les gens acceptaient, les gens, enfin, okay, mais, c'est correct, ouais. Mais c'est plate. C'est prouvé que s'il est bien barré avec un bon cadenas, ça vaut la peine d'investir dans un bon cadenas à 80-100 $ même peut-être deux cadenas aussi, puis on dit qu'il faut laisser le moins d'espace possible. Donc, là, vous comprenez, là, d'essayer là, de prendre dans son U, disons, la roue plus le frame... Après ça, le barré avec, si on prend une chaîne, d'essayer de laisser le moins d'espace passer pour pas donner de jeu pour pouvoir scier. Ouais. Donc, plus c'est bien cadenassé, plus le voleur va faire, ben, bon, aller voir un peu plus loin. Trop d'investissement de temps, ouais, c'est ça. Ouais. Mais peut-être qu'il faudrait aussi des lois plus sévères. On lapide publiquement les voleurs de vélo. Non, on te coupe une couille. Avec le même cutter. Ouais! On non, te mais... verse la hot sauce dans les yeux. Oh. Hot sauce dans les yeux. Ouais. On te traite de pédale devant tout le monde. Hey, la pédale. Pendant au moins 7-8 mois, ouais. Je pense. Des avis publics. Ouais. Attends, je pense que c'était ma solution. Non, mais est-ce que je reviens à refaire la culture du vélo à Montréal? T'sais, de valoriser plus le vélo, peut-être que ça va faire en sorte que les gens vont peut-être plus s'opposer à un vol de vélo, contrairement à les histoires qu'on entend ouais. depuis le début. T'sais, si tout le monde était plus... C'est vraiment... Copenhague, là, c'est ça. Là. Il y a même... Il propose aux touristes d'aller voir l'étiquette de vélo à Copenhague. T'sais. Fais pas du lèche-vitrine en vélo. T'sais, arrête-toi pas... T'sais, même si tu te promènes avec un ami, soyez pas un à côté de l'autre. Pis, parce que ils ont une grosse culture de vélo. Déjà ici, pas loin du Ghetto McGill, il y a les espaces en avant des voitures. En fait, c'est comme un gros rectangle vert aux intersections où il y a une lumière. Ouais. Donc, les vélos peuvent se placer devant les voitures dans ce gros rectangle-là et ils ont comme priorité pour continuer leur chemin. Rue Milton, là, tout ouais, ça. Là, quand ouais. ils arrêtent, c'est ça. Eux autres s'en vont devant les voitures. Ouais. Ils n'attendent pas tout en file indienne à côté. C'est bon. Bon plan. Ben, oui. Refaisons la culture. Sinon, revenir au cheval. Oui. Mais se faire voler son cheval, ça, c'est terrible. Parce qu'en plus, t'as une relation là, avec, avec ton véhicule. Avec ta là. Bête, ouais, mais c'est plus difficile voler un cheval que de voler un vélo, non? Ben, je suis pas sûr, non. Non. Non, non, non. Qui peut-être vole un œuf, vole un bœuf. Qui vole un vélo, vole un chevalot. Ah, c'était un sacré problème. Il y a une époque où il y avait du vol de cheval. Ouais, mais au moins, tu te feras pas voler genre ta crinière ou tes sabots. Je fais juste... ça, c'est sûr. Le monde parle avec le cheval au complet. Faire de la colle. Il peut partir avec ta selle. Mais j'imagine juste voir un cheval attaché avec un U. Mais à l'époque, un fer à cheval. À l'époque, c'est vrai qu'ils ont utilisé la méthode des lois plus sévères. Oui. Ça te faire pogner à voler un cheval haut. Tu pouvais te faire égosser là, sans problème. Égosser. Oui. Mais au moins, tu sais, un vélo, tu sais qu'ils vont pas le manger. Au moins, ton cheval, ça, ils vont peut-être le manger. Ouais. C'est sûr. Ouais. Mais peut-être que le service de Bixi, c'est pas un bon service. Peut-être que la ville devrait acheter des vélos cheap, là. Genre, je pense qu'ils en font beaucoup à Toronto. Et en pitcher dans les rues le matin. Ming, check a line. Pitcher des vélos dans les rues. Puis personne n'a besoin de vélo. Je fais « Hey! » Je vais attendre mon vélo, je le prends, je pars. Ou il volerait tous les vélos puis il les chipperait ailleurs. C'est ça. Fait que là, il faudrait tout le temps racheter des nouveaux vélos. Non, écoute, moi, j'aime bien Bixi, personnellement. Moi aussi. J'ai pas envie d'avoir de vélo. Mais en fait, si tu veux un vélo, après ça, c'est pour justement un banc de bébé ou aller en randonnée. Oui, à l'extérieur de la ville. Ouais, ça manque quand même. Une très belle piste autour du lac Saint-Jean aussi. Là, ça a l'air que c'est assez fort. À Longueuil, un excellent réseau de pistes cyclables partout dans la qui passent au travers de la base de plein air. Là, moi, j'ai grandi là-dedans. Puis c'était de toute beauté. Tu peux t'arrêter manger un délicieux nachos au 1957. Oui. Mmh. Oui. Au Café Kafka. Oui. Juste à côté. Wow. Si vous ne voulez pas payer 25$ de nachos, parce que 1957, c'est vraiment cher. Hein? Mais sinon, un petit conseil pour les propriétaires de vélo, ne barrez pas votre vélo au même endroit tout le temps. Si, par exemple, là, vous le barrez devant chez vous, essayez de changer d'endroit parce que les voleurs vont souvent spotter ton vélo en disant « Oh, je vais revenir une autre fois, mais que ça soit plus sombre un peu, mais que ça soit plus tard. » Si vous avez une petite drill, là, gravez votre nom dans le cadre. C'est oui, mais tu peux le faire marquer, tu peux le faire... Buriner. Oui, enregistrer qui parle, ça coûte environ 30$. Ouais. Et il marque les pièces, et puis c'est plus facile pour retracer ton vélo si jamais... Mais tu sais, il reste que tu vois la police, ils font « je pense pas qu'on va le retrouver. » Ben non, mais il enregistre quand même ces données-là. J'ai un ami qui s'est fait voler un scooter qui était barré devant chez nous, et ils l'ont retrouvé. Un scooter, vous voyez? Ouais, c'est... Oui, scooter, ça c'est quand même c'est de la job à voler, là. Moi, j'ai vu un ça gars... Ça prend un pick-up. Oui, c'est moi, j'ai vu un gars traîner un scooter une fois avec la roue barrée, là. Tu sais, il est sur le trottoir, puis... Il traînait, là, tu sais. Est-ce que t'es intervenu, Frédéric? Oui, ben là, on était deux, trois, là, en fait. « Hey, qu'est-ce que tu fais? » On a appelé la police, tu sais, on a fait... Ta boîte à toi, là, tu le prouveras à Paul. Ouais, c'est ça. T'as bien fait, Fred. Ouais, c'est cool. Si c'est à toi, débarre-le. Ouais, c'est ça. J'ai oublié. Ça se remplit, mon genre. Non, mais écoute. Oui, je vais dire à Paul. Hey, moi, combien de fois j'ai marché à côté de mon scooter parce que j'ai eu des problèmes. Je sais, là. Je me rappelle avoir traversé Montréal avec toi. Oui, jamais personne qui m'a arrêté. En tout cas. C'est dur de dire les solutions préférées. On n'a pas sorti tant que ça. On a juste fait le constat de... D'échecs. Non, mais donner plein de conseils pratiques. Mais non, mais il faut sortir. On sort de la boîte. Come on, les gars. OK, j'ai une idée. Sort de la boîte. C'est une moufette qui pète. Genre... qui pète. Une moufette qui pète sur ton vélo, là. Fait que là, ça pue toujours ton vélo. Fait que personne ne va vouloir le voler, là. C'est le vélo qui pue. Non, mais mettre des endroits clés qui puent, des endroits clés qui sont dégueulasses, que toi, tu touches jamais, tu sais que... Genre les freins d'en avant. Ouais. Mais sinon, avoir la selle la plus inconfortable. Tu dirais avec un butt plug hot sauce? Ouais. Au lieu de ton, banc, tu mets un butt plug avec de la hot sauce. C'est comme agréable. Et en même temps, les autres le savent pas. Oui, ben toi, à un moment donné, forcément, tu t'habitues. Oui. Mais le valeur, la première fois, qu'il s'assoit là-dessus, lui-là, là, il fait un sauce un moyen temps. Oui. Ou, ben non, là, j'allais dire que ça ne s'apprendrait pas, mais peut-être que ça va faire l'effet inverse. Mettre des stickers de Justin Bieber à grandeur. Oui. Ouais. Ah, oui, ben, il y a plusieurs personnes qui font ça aussi. Là. Il y a bien des gens qui font ça, qui vont enlaidir leur vélo. Ouais. Ils vont soit le peinturer, mettre du tape dessus parce que ça l'enlaidit, ça le rend moins attrayant. Mais si après ça, ça devient dommage pour toi aussi de t'acheter un beau vélo. Puis de l'enlaidir. Mais il y a aussi la grosse mode là, des pignons fixes, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Non, mais les vélos, là, une vitesse là, où tu peux. Ben, ça change pas vraiment de quoi, ton... Mais ils s'achètent des vélos chers qui look, là, tu sais, on en voit beaucoup là, à Montréal. Custom, c'est ça. Vélo. Ouais. Mais si tu investis beaucoup dans ton vélo, ben souvent, au lieu de l'attacher devant où tu vas, tu fais « Hey, je peux-tu le rentrer? » c'est un peu voir son vélo comme son enfant. Mais il y a des vélos qui sont très, très, très légers. Là, j'ai une amie moi qui s'est acheté un vélo là, de 6 000 $ et puis qui est tellement léger, elle rentre n'importe où. Puis, Puis il paraît qu'une fois... Le commerce accepte. Ça. Ouais. Il est tellement léger, une fois elle l'a lancé dans les airs, puis elle attend encore qu'il retombe dans les airs, tellement il est léger. Switcher au rollerblade. Oh! Ouais. C'est ou le petit scooter à moteur. Là. Ouais. Ça va moins vite. Mais tu peux te faire autant voler ton petit vélo à moteur. Que... Mais non, mais tu le tiens avec toi. Non, le vélo qui plie. Oui, plus de vélo qui plie. C'est cool, ça. Segway. Segway. Segway. On attend encore les Segway, que ça devienne plus populaire, plus... plus abordable. Je sais pas combien ça coûte un Segway. Ouais. C'est pas encore démocratisé, cher, mais pourtant, c'est Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait encore des souliers Segway. Des souligway. Mais les jeunes avaient souliers ça pendant un bout. Souliers, mais ça s'appelle des patins à roulettes, non? Mais non, mais que tu t'en vas vers l'avant, puis tu sais, le petit effet gyroscopique qu'il y a dans le Segway, mais il est dans Écoute, Fred, après le podcast, on s'en va dans mon atelier. Quoi? Et on va bisouner toute la nuit. Go! Let's Allez vous go. Donner des bisous. C'est ma solution préférée, Martin. Se bisouner toute la nuit. Oui. Et bisouner vous, des souliers. Et vous, vos solutions préférées, c'est quoi? OK, c'est une campagne de haine contre les voleurs de vélo. Ça, on pourrait les appeler les véloeurs. Les violeurs. Les vilains vélos. Les vilains vélos, ouais. Si je vais aller un peu dans ce sens-là, ça va être plus d'interventions, je le souhaite, des autres citoyens. Moi, j'irais avec le GPS dans le vélo. Ouais. Si tout le monde mettait un petit GPS dans son vélo, ben, on réglerait assez le problème. Ben, peut-être que... La ville pourrait investir dans des bornes... très sécurisées, mettons. Ouais, mais t'sais, tu attaches ton vélo, mais tu entres un code. Je sais pas. Ouais, qui serait... Fait que, t'aurais pas besoin de cadenas, mais ça ferait un système très sécuritaire de vélo, c'est mettons. Ça. C'est une bonne idée, ça. Ouais, sauf sinon, si le... tu lèves très tes roues dans les airs, puis tu le laisses tomber. Là, ça brise le lock, puis tu peux le... Ouais, non, ça, c'était les Bixi au début, Bixi, hein. C'était les Bixi au début. Ouais. Ils se faisaient tout briser. Ah oui, demain, le clac, là, au début, oui, c'était trop faible, hein, ouais. C'est... Mais ils ont arrangé ça avec un petit assez bout de caoutchouc, ouais, ouais. Ouais, des fois, c'est... Sinon, la conscience populaire est super importante, là, de conscientiser les gens à intervenir lorsqu'ils voient des vols de vélo. Oui. Si tout le monde pète la gueule... Attends. À au moins un voleur de vélo. J'ai une meilleure solution que ça. Faire une toune qui devient populaire, qui vante les mérites d'intervenir. Ce vélo-là, tu l'auras pas. Et je défie... Non, ce vélo-là, non. Tu le voleras pas. Là, je dis, populaire. Il faut qu'elle devienne populaire. Bon. Non, mais mets Arcade Fire derrière ça, là. This velo you want steal. Non, mais je défie tous les bands montréalais de faire une toune qui vante les mérites d'intervenir dans un vol de vélo. Très bon, ça. Un peu comme à l'époque, Au nom de l'adrénaline. Au nom de l'adrénaline. Je sais pas si ça a marché si fort que ça. C'était pour... C'était la vitesse au volant. Ouais. C'était... Zébulon. Zébulon. Un band que... Quelqu'un qui a lucide. Il y avait de zéro à héros, de héros à zéro. Projet Orange. Ouais. Ça, c'était pour... c'était quoi un ça? Peu la vitesse. Ouais. Zébulon, c'est peut-être les plus laids covers d'albums qui ont été faits. Ah, au mon Québec. Dieu. Les deux albums, les covers étaient inacceptables. Le premier jaune, un peu. Là, un peu tout le groupe. Moi, ça faisait cégep en spectacle. Complètement. Belle parole, deuxième, une grosse pupille. Oui, Arcelette, t'as raison. Vous envoyez vos problèmes. Je continue pendant que... oui, envoyez-nous vos problèmes ou vos solutions sur Facebook, Twitter ou pas de problème, @gmail.com, rzoweb.com, allez voir ça. Lalim, venez nous voir tous les dimanches au Lion d'Or. Et 5 ou rien, je dis tout. Hein. Oui, dis tout. On veut 5 étoiles ou rien. Sur iTunes Store ou baladoquebec.ca. Et achetez-nous un t-shirt ou faites-nous un don sur l'insta.com. Et la semaine prochaine, un problème sonore qui nous vient d'outre-mer. Ça va être débile. Oui, directement de notre table de Ouija, on va parler... Ah non, ne te dis pas d'outre-tombe. Mais avec notre table de Ouija, on réussit à parler avec... des Français morts. Avec lui, oui. Einstein. Mais merci, Martin, pour ces enregistrements. Arrête, on ne dit pas assez souvent. C'est toi qui enregistres. Et merci pour ton buffet. Oh, fait longtemps qu'on n'a pas eu de buffet, c'était hein. C'était délicieux aujourd'hui. J'étais content de vous ressortir ça. C'était des cubes de Jello individuels avec des cure-dents piqués dedans. Oui. C'était bon, là. Des cure-dents? à la menthe. Le cube de fromage piné dans un ananas, c'est tout le temps à la fois délicieux et design. Ah, c'était beau, beau. Hey, écoutez, ça me fait plaisir. Le mot de la fin, Simon? Vous avez un problème. Nous avons un podcast. Bouillard.